Déplutesse, Dieu. C'est les seuls qui sont obéis. Vous travaillez, vous ne savez même pas écarter vos jambes. Ça a trop été. C'est la vengeance de Dieu. Il n'y a seul que Dieu et les chiens. Plus aucun pied de la peau. Chier, ils pensent, ils boivent, ils chient. Et faut leur passer encore leur merde avec les scotex. Ça a trop été. Je m'en fous, j'ai oublié, c'est terminé, fini. Hitler, il aurait dû tuer mon père, il aurait fait un vôtre. Ferme ta gueule, allô. Ça a trop été. Allez, quoi, viens. Sale marocain, tu veux que je te fasse tout jardin? Je te mets des pieds et tu pourras. T'as pas fait de ta police, tu baiseras ta femme. Ça a trop été. Ça a trop été. Ça a trop été. C'est les seuls qui sont obéis. Vous travaillez, vous ne savez même pas écarter vos jambes.